19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ce rendez-vous de décrassage auditif de 2h, comme tous les mardis soirs, donc entre 19h et 21h. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Et bien, comme d'habitude, des nouveautés qui seront au nombre de 4. Donc on fera donc un petit survol sur tous les genres et sous-genres donc qui composent notre style musical préféré, comme d'habitude. Enfin bon, j'imagine que vous avez l'habitude. Si vous êtes derrière votre transistor ou chez vous en voiture ou autre, enfin, croyez-moi, ces deux petites heures vont passer très très vite et vont vous réchauffer les esgourdes et tout le reste. Et bien, si vous êtes bien installé, on va commencer tout de suite avec le groupe Category 7. Super groupe composé de John Bush, chanteur d'Armored Saint ex-Anthrax, du guitariste Phil Demmel, ex-Machine Head, qui joue actuellement avec Kerry King. On y trouve aussi Mike Orlando, qui a joué à un moment donné avec Adrenaline Mob avec Mike Portnoy, Jive Gibson d'Exodus et Jason Bissner d'Overkill. Donc tout ça, ça nous donne du très beau monde. Et bah, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas diffusé un extrait de leur premier album qui était sorti cet été. Et on va se faire le morceau Exhausted. Alors si vous l'êtes un petit peu fatigué, croyez-moi, ce qui va suivre là, ça va vous redonner la patate.

For All Kings, eh bien, c'était Anthrax, extrait donc de l'album du même nom, qui était le dernier sorti donc en 2016. Donc un peu de patience pour les fans. Le prochain album devrait sortir en cours d'année 2025. Et Anthrax, eh bien, ils vont nous rendre visite là à Paris ce vendredi soir en compagnie de Creator. Donc une tournée en co-tête d'affiche avec Testament en première partie. Tout ça au Zénith à Paris. Ouh, que ça promet. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Je pourrais vous en faire donc un petit compte rendu. Juste avant Anthrax, un peu dans le même style musical, Category 7, le super groupe Category 7 et son album éponyme sorti cet été, c'était le morceau Exhausted. On va se faire la première nouveauté de la soirée avec un nouveau groupe français, enfin un nouveau projet exactement, qui s'appelle Bowels of Suffering. Alors Bowels of Suffering, c'est le nouveau joujou de Mathieu Morand, que vous connaissez mieux, qui a joué dans pas mal de trucs comme Simakia, Dusk of Delusion principalement. Et là, qui a décidé de faire quelque chose de plus de genre métal industriel, le chanteur français. Et pour son premier album qui s'appelle BOS 2.0, ils ont décidé un petit peu avec ses copains de venir faire un sorte de concept album. Donc en fait, c'est tout simplement la mort tragique de l'esprit de Gaïa, l'esprit de la Terre. Donc voilà, avec des textes en français, s'il vous plaît. On va découvrir tout de suite avec le morceau Catacombe, donc extrait de cet album, première nouveauté de la soirée. De la biogénie, apical nécessité de l'évolution. Ils œuvrèrent pour des ombres avec la mort. Go back! Maison Pourpre, ça c'est un extrait du EP des franco-italiens de Crack Bakounin. Juste avant, donc, première nouveauté de la soirée avec le nouveau projet du Mathieu Morand, le guitariste de Dusk of Delusion et de bien d'autres choses, Bowels of Suffering et le morceau Catacombe. L'album s'appelle BOS 2.0. Et bien maintenant, il va être temps pour Electric Shock de dire un au revoir et un merci pour tout à une légende du rock orléanais, le groupe Comintern Sec, donc qui a décidé de tirer sa révérence, de faire un dernier combat. Bon, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer l'horrible maladie dont souffre le chanteur Karl, la maladie de Charcot, donc vraiment une saloperie dont on sait que malheureusement, il n'y a pas d'issue, même moyen de ralentir la progression de cette saleté. Donc, comme Intern, je trouve que c'est tout à fait à leur honneur, ont décidé de dire au revoir à tout le monde en faisant un dernier concert qui aura lieu donc vendredi soir à Montreuil, dans une salle qui s'appelle La Marborie. Alors, n'essayez pas d'avoir des places, c'est complet depuis un bon moment. Mais en tout cas, encore une fois, chapeau bas les gars, merci pour tout. En tout cas, on vous oubliera pas. Pour dire au revoir, j'ai pensé que restera-t-il de toi, un morceau qui était sur le dernier album, Des jours plus durs que d'autres. Quelque part, il est un peu prémonitoire quand même, malgré tout. Donc, en hommage à Comintern Sect, encore une fois, merci pour tout. Bon, un petit souci technique. On va vous relancer comme Intern Sect. Que restera-t-il de toi ? retour, c'est donc ton heureux capable. Dernier combat pour Comme une Turnsect, ben ça ce sera vendredi soir à Montreuil, à la Marbrerie. Donc au revoir Comme une Turnsect et merci pour tout. Donc ça c'était donc Dernier combat bien sûr, extrait de leur deuxième album sorti en 1985. Et juste avant, ben, titre prémonitoire, Que restera-t-il de toi ? Extrait du dernier album sorti en 2021, Des jours plus durs que d'autres. Oui, c'est clair qu'il y en a des comme ça. On change maintenant de nouveau de style avec les Parisiens de Murta, le plus indien des Parisiens avec donc Murta et leur album Tamas. Et on va découvrir le morceau Kavir. Ne me demandez pas ce que ça veut dire encore une fois. Moi, l'hindou, ça fait deux. Thank you. Cavir extrait de Tamas, c'était donc le groupe Murta. Eh bien, on va se faire maintenant la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe qui s'appelle Faraway. Ils viennent de sortir donc leur deuxième album. Alors Faraway, qu'est-ce qu'on peut dire musicalement? C'est un groupe de post-rock metal. Si vous aimez Gojira, Devin Townsend, Perfect Circle, Meshuga, Pink Floyd, enfin plein de choses. Enfin bref, c'est un groupe aux influences vraiment multiples et variées. C'est un petit peu compliqué donc de les décrire. Donc je vous invite tout simplement à découvrir Solastagia avec Break the Iron. So let me try to destroy this part of my mind. Give me a chance. Let me try to destroy the dark side of my heart. Dark Side of My Mind, ça c'est un extrait du premier EP de Cade Eric, It Comes From The Inside. Deuxième nouveauté avant Cade Eric avec le groupe Faraway, son deuxième album Solastagia, c'était Break The Iron. Maintenant revenons à un groupe légendaire, culte pour tous les amoureux de metal, de punk, de rock, le MC5, enfin le MC5 posthume. Dernier projet de Wayne Kramer juste avant son décès en début d'année dernière. Comme il se dit, vu l'époque troublée dans laquelle nous étions, il s'est dit que le MC5 avait toute sa raison d'exister, même si la plupart des membres étaient maintenant partis de l'autre côté. Et toujours que ce heavy lifting, effectivement, il y a bien l'esprit de ce groupe révolutionnaire, ça c'est évident, de ce heavy lifting, donc mélange de rock, de blues, de soul, de plein de choses, enfin, c'est du tout bon malgré tout, c'est vraiment le digne successeur de High Time, l'album sorti en 1971 quand même. Je crois qu'on disait que Guns N' Roses avait battu leur record, ben MC5 a fait plus fort, enfin bon, passons, en attendant... À 19h49 sur K-Radio Arc-en-Ciel 96.2, eh bien, écoutons Barbarians at the Gate. Hey! just like to say at this point that I'm a 24-hour, 7-day-a-week, 365-day-a-year American. I was glad that Sauvage et Destroy, bah vous aurez reconnu le Godfather du punk Iggy Pop avec Wild America et sa petite intro Character. Ça, c'était extrait de American Caesar, l'album de L'Iguane de 1993. Et pour l'avoir vu en concert à cette époque-là, croyez-moi, c'était du sauvage. Et ça l'est encore malgré tout, car Iggy Pop, c'est vraiment un survivant, pourvu que ça dure. Juste avant Iggy Pop, compagnon aussi de défonce, le MC5, avec leur album Heavy Lifting, tout nouveau, tout beau, tout chaud, album posthume. Et c'était Barbarians at the Gate. On attaque la deuxième heure d'Electric Shock. Et là, on va encore changer de style avec un peu de black metal. On va revenir à l'album de Sordid, Ainsi finit le jour. Et on va se faire une petite douceur qui s'intitule Tout est à la mort. Thank you. est à la mort. Et oui, ça c'est le message donc de Sordide sur leur album Ainsi finit le jour. Nous allons maintenant faire la troisième nouveauté de la soirée. Nous allons découvrir un groupe qui s'appelle Ice Chemicals, qui existe depuis 2018. C'est un groupe donc de la région parisienne des Yvelines. Ils ont déjà sorti un EP et un album en 2022. Et là, ils viennent de nous sortir, enfin, au début d'année, un petit EP qui s'appelle The Pyre. Alors musicalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, c'est un groupe français de métal alternatif avec un mélange de néo-métal, de metalcore, de plein de choses, avec alternance de chants hurlés et une voix féminine qui se répond vraiment de façon très équitable et assez intéressant. Et Ice Chemicals, eh ben, ils seront en concert samedi soir au Dropkick en compagnie donc des Parisiens de Iceland, groupe de trash dont on se passera un extrait tout à l'heure, et des locaux de Cyclim également. Donc si vous avez envie de faire passer une bonne soirée métal, je crois que là il y en a vraiment pour tous les goûts. Et Ice Chemicals, bah, si vous avez envie de découvrir à quoi ça ressemble, eh ben, End This World, extrait de ce EP The Pyre. Donc, aussi un merci à Jeff pour m'avoir envoyé le CD. Eh ben, on va découvrir tout de suite maintenant. Yeah. Venu d'Auvergne, c'était Red Gordon avec son album Nothing Less Than Everything. C'était juste avant Suffer Claim à l'instant. Si vous avez aimé ce qui a suivi juste avant Red Gordon, c'était donc la troisième nouveauté de la soirée, Ice Chemicals avec End This World, extrait donc du EP Zipire et Ice Chemicals, donc qui sera en concert samedi soir au Dropkick en compagnie de Iceland et des locaux de Cyclim. Si vous avez envie d'écouter une bonne soirée trash metal, si vous avez écouté le début de l'émission, vous savez de quoi je parlais, puisque vendredi soir à Paris, au Zénith, il y aura donc une double tête d'affiche Anthrax Creator avec Testament en première partie. Alors moi, le problème que je trouve de ces affiches, qui sont très alléchantes bien sûr, c'est que quand on a deux co-têtes d'affiche comme ça, souvent on a droit à deux shows légèrement tronqués. Ce qui était un petit peu le cas par exemple la dernière fois avec Blackstone Cherry et Iron Jones, puisque chacun des deux protagonistes a joué guère plus d'une heure. C'est un petit peu frustrant, mais enfin bon, c'est... Puis en ce moment, il faut dire que, vu la crise actuelle, c'est une façon aussi de se dire, bon ben voilà, tel groupe va remplir 2000 personnes, tel autre va en faire autant, si je remets les deux, ça veut dire que je peux remplir une salle de 4000 personnes, mais enfin bon, souvent ce calcul n'est pas toujours vraiment exact, parce qu'en général, les fans de l'un sont les fans de l'autre, donc finalement, il n'y a pas vraiment bousculade. En général, si vous êtes des fans Anthrax, je pense que Creator, vous ne détestez pas, et vice-versa. Bon, en attendant, pour se mettre un petit peu dans l'ambiance de vendredi soir, on va se faire un extrait du dernier album de Creator, Hate Uberales. C'était l'excellent album qui était sorti en 2022. Le prochain devrait sortir au courant d'année prochaine, donc à suivre en attendant. Mais Strongest of the Strong, ça va nous décrasser les esgourdes pour le moment. Now beside us, there's a thrash metal comme ça, ça fait du bien. Ça, c'était Iceland, groupe de thrash de la région parisienne qui s'est formé dans les années 90 et qui avait enregistré un unique album et après, plus rien, et qui se sont reformés il y a quelques temps et qui nous ont sorti l'année dernière, qui ont réenregistré leur premier album avec donc une production moderne dont vous avez d'ailleurs pas mal passé d'extraits d'ailleurs depuis la sortie. Et Iceland, ben, ils seront en concert donc samedi soir au Dropkick en compagnie donc de Ice Chemicals, donc une des nouveautés de la soirée, et des locaux de Cyclim. Donc là, c'était le morceau Paria, extrait donc de ce réenregistrement du premier album. Juste avant, c'était la légende germanique du thrash metal Creator, avec un extrait de son dernier album Hate Uberales, Strongest of the Strong. Et Creator, bah eux, ils seront en concert vendredi soir au Zénith à Paris, en compagnie de Anthrax, avec en première partie Testament. Que de belles soirées en perspective. Eh bien, on va bientôt attaquer la dernière demi-heure, car il est 20h27 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, Electric Shock est bien là jusqu'à 21h. On va se faire donc la quatrième et dernière nouveauté de la soirée, avec un groupe de metalcore progressif, que moi je dirais que c'est à la limite du death metal, du djent, enfin de plein de choses, qui s'appelle Lone Survivors. Et ils ont déjà sorti un album, et là c'est un EP, enfin moi je dirais même un mini EP, puisqu'il n'y a que 3 titres. À l'époque du vinyle, on aurait dit, ils nous ont fait un maxi single qui s'appelle Run One, et on va se faire un petit décrassage auditif avec le morceau B2B. Le décrassage auditif, c'est gratuit, c'est offert par Electric Shock. À l'instant, donc, Death Decline avec leur album Pattern of an Imminent Collapse, c'était The Undying. Et juste avant, c'était Lone Survivors avec l'album B2B extrait du EP Run One. Et c'était également la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Après le décrassage auditif, un peu de douceur pour calmer tout ça. Et on va revenir donc au live de Def Leppard, One Night Only, live at the Lead Mill. Donc enregistré dans leur ville de Sheffield, dans des conditions roots, dans un petit club. On va se faire le grand classique, le morceau Hysteria, extrait donc de l'album du même nom qui a vraiment propulsé le groupe au sommet. Donc tranquille, tout doux, Hysteria, Def Leppard. I'm ça s'arrête brutalement. Ah, ça fait du bien, une petite hystéria. Extrait du live donc de Def Leppard, c'est des DVD One Night Only Live at the Lead Mill. Eh bien maintenant, on va se faire un petit peu de stoner, si vous voulez bien, on va revenir à l'album de Oda, Bloodstained, et on va se faire un petit Inquisitor. We'll be right back. N.O.D. Ça, c'était Down, extrait de l'album Over the Under, sorti en 2007. Le prochain album devrait sortir en 2025. Oh là, l'année s'annonce quand même très forte. Juste avant Down, Made in France avec Odea, dans le même style, extrait du premier album Bloodstained, c'était Inquisitor. On a encore un petit peu de temps pour se faire deux petites douceurs. On va revenir à l'album de The Offspring, Supercharged. Et sur cet album, il y a un petit CD bonus avec trois titres live, quatre sur l'import japonais. Et par exemple, il y a aussi, sur ces lives, il y a le Gotta Get Away, qui est enregistré à Anaheim, à quelle année, je ne sais pas par contre, qui figurait sur l'album Smash, l'album qu'ils avaient vraiment fait révéler auprès du grand public. Et bien, une petite version live, ça va le faire tout de suite maintenant. Change of channels for an hour or two. cars and I'll fucking let you. Live à Barcelone, et ça c'est extrait donc du coffret Dookie pour les 30 ans de la sortie de cet album mythique, et c'est également le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Et bien merci encore d'avoir été à l'écoute de ce magazine métal. Restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel, la musique continue avec un autre Christophe pour Electro Live. Alors qu'est-ce qu'il a nous proposé ce soir? On va voir ça tout de suite avec lui. Salut Christophe, qu'as-tu à proposer aux Nazami Nightclubbers? Bonsoir à toutes et à tous. Un set classique House Tech House, comme je suis habitué à en faire. Voilà. Voilà, donc vous êtes bien secoué la tête pendant 2 heures avec Electric Shock. Vous allez continuer maintenant à vous secouer le bas du rein, des reins avec Electro Live. Et Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Et yes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!